Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 23. De l'adoption du Christ. Dieu adopte des enfants. C'est l'œuvre de la Trinité tout entière. La créature raisonnable est seule susceptible d'être adoptée. Le Christ est fils de Dieu par nature. 1. Convient-il à Dieu d'adopter des enfants? L'apôtre dit, Dieu nous a prédestinés pour être ses enfants d'adoption. Éphésiens 1, 5. Adopter quelqu'un, c'est l'admettre à participer à l'héritage que l'on possède, puisque Dieu, dans son infinie bonté, fait entrer les hommes en participation de ses propres biens, c'est-à-dire de la béatitude divine, qui est sa félicité souveraine à lui-même et sa richesse infinie. On dit avec raison qu'il les adopte pour enfants. Note. L'adoption concerne les biens de la grâce et de la gloire. De même que, par la création, la bonté divine se communique aux êtres en leur imprimant à quelques égards sa ressemblance, de même, par l'adoption, elle confère aux hommes une certaine image de la filiation naturelle, ainsi qu'on le voit par cette parole, ceux que Dieu a connus dans sa préscience, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Observons que les biens spirituels, à la différence des biens matériels, peuvent être possédés par plusieurs personnes à la fois et être reçus intégralement du vivant d'un père, sans préjudice pour lui. Fin de la note. 2. Convient-il à la Trinité tout entière d'adopter des enfants? Vous avez reçu, disait saint Paul, l'esprit d'adoption des enfants, et c'est dans cet esprit que nous crions, Père, Père. Romains 8, 15. Or, quand nous disons à Dieu, notre Père, nous nous adressons à la Trinité tout entière. La génération est, au sein de la divinité, une action propre au Père, mais l'action de produire quelque chose dans les créatures est commune aux trois personnes, à cause de leur unité de nature, où il n'y a qu'une même nature, il n'y a qu'une même puissance et une même opération. Sur ce principe, le Seigneur disait, « Tout ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. » Jean 5, 19. Il convient donc à la Trinité d'adopter des enfants. Note. Devenus par l'adoption les frères du Christ, nous avons le même Père que lui, bien que ce ne soit pas au même titre. Le Christ est fils de Dieu par nature, et nous, par une action volontaire commune aux trois personnes divines. Néanmoins, quoique l'adoption soit une action commune à la Trinité tout entière, on l'attribue au Père comme au principe, au Fils comme au modèle, et au Saint-Esprit comme à celui qui nous imprime la ressemblance du Fils et de la filiation éternelle. Fin de la note. 3. Est-il propre à la créature raisonnable d'être adoptée? La filiation adoptive est une image de la filiation naturelle. Elle nous rend semblables au Fils de Dieu, non seulement sous le rapport de l'existence et de la faculté de connaître, mais encore selon l'unité qu'il a avec son Père, et c'est ce qui a lieu par la grâce et par la charité, conformément à cette prière, qu'il soit un en nous, comme nous sommes un. Jean 17, 22. Cette assimilation est nécessaire à l'adoption, qui nous donne droit à l'héritage éternel. Il est évident dès lors que l'adoption ne peut tomber que sur une créature douée de raison et possédant la charité, qui, selon l'expression de l'apôtre, est répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Romains 5, 5. 4. Le Christ, en tant qu'homme, est-il le Fils de Dieu par adoption? La filiation appartient proprement à la personne et non à la nature. Aussi, en traitant de la Trinité, l'avons-nous appelée une propriété personnelle. Or, comme il n'y a pas dans le Christ d'autre hypostase ou personne que l'hypostase ou personne incréée à laquelle appartient la filiation naturelle, dont la filiation adoptive est une image, le Christ, Fils de Dieu par nature, ne saurait en aucune façon être nommé son Fils adoptif. Ceux-là seuls peuvent l'appeler ainsi qui mettent en lui deux personnes, ce qui est une hérésie. Note. Le Christ, en vertu de l'union hypostatique, est Fils de Dieu par nature, et nous, en vertu de la grâce habituelle, nous sommes fils de Dieu par adoption. La grâce habituelle ne fait pas en lui, comme en nous, un fils adoptif de celui qui ne l'était pas, elle est dans son âme une conséquence de la filiation naturelle. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.